Mosaïque. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette émission Mosaïque. Le Sénat burundais a amorcé fin juillet 2023 une concertation de la population en vue de décider s'il faut toujours maintenir ou pas les quotas ethniques au sein des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est en effet pour répondre à une de ces missions lui conférée par la Constitution de 2018, principalement en son article 289, qui stipule qu'un délai de 5 ans est accordé au Sénat pour évaluer afin de mettre fin ou proroger le système de quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire, après la mise en place des institutions issues de cette même constitution. Ce système de quotas est contenu dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, signé à Arusha en Tanzanie le 28 août 2000. Est-il donc nécessaire ou pas de maintenir aujourd'hui ces quotas au sein des institutions de la République? Voilà le sujet qui va nous occuper au cours des quelques minutes qui vont suivre. Quelle serait la plus-value pour le Burundi et les Burundais à les supprimer dans la Constitution? Qu'est-ce que cela aurait de mal s'ils sont maintenus? Et quelle devrait être la voie la meilleure pour renforcer une démocratie pour tous au Burundi? Trois invités sont avec nous sur le plateau. Olivier Nkurunziza, c'est le président du parti UPRONA, lequel était représenté lors des négociations pour la paix au Burundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs de la radio-télévision Isanganiro. Et je salue aussi mes chers invités qui sont ici, qui nous allons partager ensemble ce plateau. Il y a aussi Léonce Ngendakumana, il est du parti Frodebu. Vous avez participé, honorable Léonce, à ces négociations en Tanzanie, je crois même en Afrique du Sud. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Je salue les collègues avec qui nous allons partager cette émission, mais je salue aussi les auditeurs. Et puis, il y a Pierre Claver Njejimana. Vous êtes psychologue, expert en santé mentale. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et je salue mes collègues avec qui nous allons partager ce plateau. On avait souhaité la participation de Jean Dodier Mutabazi. C'est le président du parti Radebout, en même temps président de l'Observatoire national de prévention des crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Il aurait été empêché à la toute dernière minute. La mise en onde est assurée par le duo Eric Ouimana et Jérôme Ndaishimiye. Réalisation de Vestine Boutoyi et à la présentation, Léonce Vitalio. Honorable Léonce Ngendakumana du parti Sarwanya Frodebu, vous avez été à Arusha pour le compte de ce parti, Sarwanya Frodebu, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Ça vous dit quoi? Ça vous fait quelle image, quelle impression? L'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Ça me fait quelle image? Bien. Merci beaucoup. J'ai été présent à Arusha pour la négociation de cet accord, non pas pour le compte du parti Frodebu, mais pour le compte de l'Assemblée nationale. J'y étais comme président de l'Assemblée nationale. Quelle image! Il y a une nuance peut-être. Oui, il y a une nuance. Parce qu'il y a une nuance, parce qu'il y avait le docteur Djaminani qui représentait le Frodebu. Et une délégation du Frodebu. Alors, quelle image est-ce que j'ai de l'accord d'Arusha? C'est un accord pour la paix et la réconciliation, c'est-à-dire un accord qui aide les Burundais à chercher la paix, à chercher la réconciliation. Ce n'est pas un accord de paix et de réconciliation, parce qu'il y en a qui confondent cet accord avec un accord de paix. Un accord pour la paix. Pour la paix. Ça veut dire pour chercher la paix et la réconciliation. Ça veut dire que c'est un accord qui reste d'actualité à tout moment, à tout instant, parce qu'on doit continuellement chercher la paix et la réconciliation. Ceux qui ont pris cet accord comme un accord de paix et de réconciliation, ils pensent que l'accord a terminé sa mission. Ils pensent que l'accord n'a pas amené la paix. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils ne savent pas que c'est un accord qui contient des principes, qui contient des options, qui contient des orientations, des mesures pour créer un nouvel ordre politique, économique et social dans son pays. Et il pense que c'est un accord à archiver. Alors, cet accord nous a permis de mettre fin à une guerre fratricide insensée qui venait de durer une dizaine d'années. Nous a permis également de mettre un terme à un pseudo-conflit dit ethnique. On avait pensé que le conflit burundais était de nature ethnique et tout aussi. L'accord d'Arusha a prouvé que le conflit burundais est fondamentalement politique, bon, évidemment avec des dimensions ethniques, puisque nous avons vécu dans cette situation pendant des années. Cet accord nous a permis aussi d'inclure dans la gouvernance générale de l'État les différentes minorités qui avaient longtemps exclu de la gestion du pays, notamment les femmes et les Batois. Aujourd'hui, on y ajoute ce qu'on appelle les... Je ne sais pas si... La jeunesse n'est pas mentionnée dans l'accord d'Arusha. Mais j'allais dire les petits partis, mais il n'y a pas de petits partis. Il n'y a pas de petits partis. Ils sont tous grands. Donc, une intégration politique. Cet accord nous a permis aussi d'élaborer des lois et des règlements qui permettent de stabiliser le Burundi dans le cadre du partage du pouvoir sous toutes ses formes politiques, militaires et économiques. Même si ce n'est pas encore fait comme ça, je veux dire que c'est pour chercher ça. Cet accord consacre effectivement en quelque sorte la stabilité politique. Cet accord aussi a clairement défini la nature du conflit burundais, comme je l'ai dit. Et c'est un accord aussi qui a redonné de l'espoir au peuple burundais et à la communauté internationale. Et la valeur de cet accord aujourd'hui, 23 ans après sa signature. Je viens de dire que cet accord reste d'actualité dans la mesure où les quatre principes moteurs sur lesquels cet accord repose restent d'actualité. Est-ce que vous pouvez énumérer ces quatre principes? Le premier principe, c'est qu'aucun gouvernement du Burundi ne peut plus recréer les causes historiques du conflit burundais. Parce que c'est écrit dans cet accord, premier protocole, sur la nature du conflit burundais. Ça veut dire, en d'autres termes, le plus jamais ça au Burundi. C'est écrit. Le deuxième principe, c'est comme une réponse à cela, c'est que la démocratie et la bonne gouvernance doivent être les fondements de chaque gouvernement du Burundi. Ça veut dire que pour diriger ce pays, on doit se référer à la démocratie et à la bonne gouvernance. Le troisième principe, c'est le troisième protocole en fait que je résume, les corps de défense et de sécurité. Bon, si vous voulez, la paix et la sécurité pour tous doivent être une préoccupation constante, une priorité de chaque gouvernement du Burundi. La reconstruction de ce pays, qui a été détruit par la guerre, la réhabilitation des sinistrés, victimes des différentes tragédies que le Burundi a connues, le développement de ce pays doivent constituer une préoccupation constante de chaque gouvernement du Burundi. Ces quatre principes, qui peut me dire aujourd'hui que ces quatre principes ne sont plus d'actualité? Au-delà de ces quatre principes, avec la constitution actuelle qui gère et organise le Burundi, elle repose à 80% sur l'accord d'Arusha. Il y a quelques falsifications qu'on a introduites là-dedans, mais le reste, 80-85%, c'est l'accord d'Arusha. Allez-y. Comment est-ce qu'on peut ne pas croire dans cet accord d'Arusha aujourd'hui? Honorable Léon Senghenda Koumana, qu'est-ce qui a motivé l'instauration des quotas? Nous parlons de quotas ethniques aujourd'hui, sur base de ce que du travail qu'a entamé le Sénat burundais. Qu'est-ce qui a motivé l'instauration des quotas ethniques dans les institutions républicaines, l'exécutif, le législatif et le judiciaire? Écoutez, nous avons connu un système de partis uniques, prônant pendant une trentaine d'années, et au cours de ce... Prona est représenté ici par Olivier. Oui, il va nous le dire d'ailleurs, il va nous dire exactement ce qui s'est passé. Et cette période a été caractérisée par une exclusion des Hutus dans la gestion des affaires de l'État, si vous voulez, dans les institutions de l'État, dans l'économie du pays, et des fois d'ailleurs, et des fois même au niveau du système éducatif, il y avait de l'exclusion des Hutus. Alors, à un certain moment, on a cru que le conflit burundais était ethnique à cause de ça. On a cru que le conflit ethnique était la principale contradiction de la société burundaise. Et d'ailleurs, à un certain moment, le Hutu a cru qu'il avait son propre destin. Le Tutsi également a cru qu'il avait son propre destin. Le Tutsi. Destin partagé. Le Tutsi, je ne connais pas. Non, non. Chacun composant croyait avait son destin. Propre destin. Oui, oui. Les Tutsi croyaient qu'ils pouvaient être au pouvoir éternellement, tandis que le Hutu pensait qu'il était exclu pour dire bon. Une fatalité. C'est une fatalité pour les autres. À cette époque-là. Mais les choses changent. Alors, vous comprenez, nous avons. Cette exclusion a provoqué des revendications. C'est tout à fait normal. Les Hutus revendiquaient. Les revendications ont été mal gérées de manière aveugle. Ont été réprimées aveuglément. Et on a, à un certain moment, on a été confronté à une sorte de confrontation entre les deux communautés. Les Hutus et les Tutsis. Alors, quand on a fait cette confrontation, il y a eu des négociations, plusieurs négociations. La dernière, c'est la négociation de l'accord d'Arusha. C'est là où on a parlé des quotas ethniques pour uniquement, non pas pour résoudre le conflit burundais, mais uniquement pour calmer les uns et les autres. Pour que les Tutsis qui étaient au pouvoir ne passent pas de 100% à 0%, pour que les Hutus qui étaient à 0% ne passent pas de 0% à 100%. Voilà, on a trouvé un système intermédiaire qui paye 40-60. On a commencé par 50-50. Il y avait qui parlait de 14%, 85% et 1%. Qui fallait partager de cette manière. Le débat a évolué, on a parlé d'entières, 1 sur 3. 1 sur 3 sur la liste. Finalement, à Pretoria, on est tombé sur les 40%, 50%. Permettez, honorable Léonce, je vais revenir vers vous, mais il faut que j'adresse aussi la question à Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Vous, l'accord pour la paix et la réconciliation au Burundi, ce qui a été signé à Arusha en 2000, c'était le 28 août, vous, ça vous fait quelle image aujourd'hui, 23 ans après sa signature? D'abord, comme l'honorable Rouence vient de le dire, c'est un accord qui a été signé suite à des conflits répétitifs qu'a connu le Burundi, avec des crises répétitives. Bien sûr, au niveau de l'accord d'Arusha, l'image qu'on se donne, c'était d'abord des hommes politiques burundais qui ont décidé de se mettre ensemble pour débattre profondément afin de trouver des solutions qui peuvent aider les Burundais. Sans toutefois relater les grandes lignes ou les grands chapitres de l'accord d'Arusha, mais nous constatons que c'est un accord qui a aidé les Burundais à retrouver la paix. Et bien sûr, comme on l'a dit, les Burundais ont connu une crise politique, mais qui avait des racines dans les esprits tendance ethnique et d'ailleurs profondément enraciné. Et comme Léos vient de le dire, il y a quelques-uns qui disaient les Tutsis ont occupé tous les postes. C'était d'ailleurs une réalité. C'était une réalité suite à des dans le passé. C'était pas même seulement les Tutsis, mais aussi avec du régionalisme dans tous les postes du pouvoir. Alors, on a décidé alors de trouver cette solution afin que, effectivement, les réclamations qui s'observaient dans ce temps trouvent une solution. C'est dans l'accord d'Arusha alors qu'on a décidé, effectivement, et que d'abord la question qui peut être résolue suite à retrouver la démocratie telle que est relatée dans la constitution de 1992, mais aussi de restaurer les organes qui n'étaient plus fonctionnels, mais aussi et de trouver cette solution qui était majeure d'exclusion ethnique. Alors, on a décidé, mais aussi c'était pour tranquilliser aussi la minorité qui avait là le problème, qui avait peur, qui disait, nous, on se protège parce que à un certain moment nous avons peur que nous pouvons être exterminés par telle minorité ou telle... par minorité, vous voulez dire minorité ethnique qui était au Burundi, ce n'était c'était peut-être les Tutsis et les Tois, tous les deux. Mais particulièrement les Tutsis qui réclamaient cela, qui disaient on s'est accaparé de ceci et cela pour qu'on se protège, parce qu'à un certain moment on pouvait se lever le matin et trouver que personne n'est plus vivant. Alors on devrait quand même trouver des mécanismes qui aident les Burundais à vivre en paix. Léon, je viens de l'évoquer, disait les Tutsis avaient 100%, alors se réveiller le matin à zéro, c'était difficile. Peut-être que c'était un principe qu'ils ont pu trouver. Mais ce qui m'intéresse est que, en tout cas, avec l'accord d'Arusha, les Burundais ont retrouvé la paix. Et ce qui a suivi, c'était effectivement les accords de cessez-le-feu, qui fait partie intégrante de l'accord d'Arusha, parce qu'on l'a dit. Et tout cela a ramené les Burundais à retrouver la paix. Mais aussi, il y a eu le mécanisme de réintégrer, de réinsertion plutôt, les réfugiés et les déplacés qui étaient dans les pays étrangers, même à l'interne. Et voilà, aujourd'hui, après 23 ans, l'accord d'Arusha a ramené la paix. Il n'y a plus peut-être ce genre de comportement, mais la bonne gouvernance n'a pas encore retrouvé l'allure qu'on voulait, mais aussi ça donnait la tranquillité des esprits au niveau de ces divisions ethniques. Mais à 23 ans, ce que nous pouvons aider, peut-être on va l'évaluer après, ce que je trouve est que l'accord d'Arusha a rencontré des problèmes, des gens qui combattent contre l'accord d'Arusha, alors que l'accord d'Arusha est la base de tout ici au Burundi. Et il y a ce programme que le Sénat burundais est en train d'effectuer, évaluer pour dire s'il faut maintenir ou pas ces quotas ethniques au sein de la Constitution de la République. L'accord d'Arusha, quand j'évaluais l'accord d'Arusha, ces quotas ethniques, ça fait partie de ce que l'accord d'Arusha a donné comme solution. Au niveau, moi aussi j'ai participé dès le début, j'ai été invité comme président du parti Prona pour se prononcer. C'était d'abord au début quand on a fait l'ouverture, lancement officiel, mais aussi en particulier comme président du parti, j'ai participé deux fois. Le parti Prona devant le Sénat. Le parti Prona a donné sa position qui est très claire. Est-ce que vous pouvez résumer la position du parti? La position du parti, aujourd'hui, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de supprimer les quotas, parce que nous avons donné des raisons profondes. Au niveau du parti Prona, après avoir entendu que le Sénat va faire, bien sûr, ce travail prévu par la Constitution burundaise. C'est prévu par la Constitution. Prévu, oui, parce qu'on ne peut pas échapper à cela. Le parti Prona a fait des investigations très profondes pour d'abord voir l'état de lieu. Est-ce que les 40%, les 60% et d'autres sont aujourd'hui tels que demandés par l'accord d'association, c'est respecté? Pas du tout. Mais aussi, on a dit, pour voir qu'effectivement il est temps de supprimer, il faut aller aussi voir là où ce n'est pas prévu par l'accord d'Arusha. Parce qu'il y avait des postes politiques et postes techniques. Dans les postes techniques, ce n'était pas prévu qu'on va utiliser ce système de quotas. Et c'est la majorité des travailleurs du Burundi, des fonctions publiques et partout dans les sociétés. Nous avons constaté que, malheureusement, que la tendance est autre. Ce que les Hutus réclamaient dans les années 1994-93, qui sont exclus, les Tutsis risquent de le faire aujourd'hui, parce qu'ils sont exclus partout. Donc que ça risque de devenir cyclique. Ça risque de devenir cyclique. J'ai fait des investigations, par exemple, en commençant par les petits postes, par exemple, les directeurs des écoles secondaires, les responsables des centres de santé. J'ai fait des investigations dans les conseillers d'administrateurs. J'ai essayé de voir dans les conseillers des gouverneurs, les gouverneurs. J'ai essayé de voir tous ces responsables, les autorités locales, provinciales, les DPI communaux, les administrateurs. Les administrateurs communaux, c'est un peu mieux parce que c'est prévu par les quotas. Mais quand on essaie de voir tout cela, on a vu qu'il y a une exclusion nette et claire qui risque de bouleverser la situation au Burundi et que dans les années prochaines, et d'ailleurs ce n'est pas les années prochaines, à partir du moment que je suis en train de le dire, les Tutsis vont commencer à dire pourquoi on est en train d'être exclus dans la vie du pays, dans la gestion du pays. Je reviendrai vers vous. Pierre Claver Njejimana, psychologue, expert en matière de santé mentale. La valeur hier et aujourd'hui de ce protocole parlant où l'on parle de la mise en place des quotas ethniques dans les institutions républicaines, c'est laquelle, c'est selon vous? Bon, merci. Donc l'instauration de ces quotas ethniques dans les institutions. Pour moi, en fait, partant de ce que mes amis sur le plateau sont en train de dire, en fait, il faut voir d'abord, parlons de cet accord d'Abuja qui a abouti à ces quotas ethniques. En fait, les accords d'Arusha, c'est le fruit d'abord des revendications, bien entendu, des personnes qui se sentaient lésées à l'époque. À un certain moment, les personnes qui se sentaient lésées ont décidé de prendre les armes. Et pour apaiser cette situation, les hommes politiques de cette époque ont décidé de mettre en place un système de, comment dire, des accords pour d'abord apaiser les esprits et les âmes des gens qui étaient, les uns se sentaient exclus, les autres se sentaient, je dirais, gestionnaires. À un certain moment, alors, les uns qui se sentaient opprimés et les autres qui se sentaient dans un cadre X, il a fallu mettre en place quelque chose pour apaiser les esprits des uns des autres. Ce sont les accords d'Arusha. Alors, parlant des quotas ethniques, pour moi, je me dis que actuellement, ces quotas ethniques, pour certains, dans certains secteurs, je peux dire que ça reste d'actualité. Là, je vais dire les corps de défense et de sécurité, parce qu'au départ, les Hutus se sentaient menacés par les Tutsis, et les Tutsis, comme je viens de le dire, se sentaient et aussi menacés, disaient, bon, à un certain moment, si les Hutus parviennent à occuper la première place, nous serons tous exterminés. Alors, il fallait chercher un cadre, je dirais, un cadre de sécurité pour tous, pour apaiser les esprits et les âmes, pour calmer les esprits et les âmes, et mettre en place quelque chose à l'aide de la sorte d'apaiser. Alors, actuellement, moi, en tant qu'expert en santé mentale, je dois dire qu'on devrait évaluer d'abord quel a été le fruit de ces accords et quel a été le fruit de ces quotas ethniques. Donc, pour le moment, en fait, je me dis que les quotas ethniques dans certains secteurs, pour justement apaiser ces esprits-là, il faut que ça reste surtout dans les corps de défense de sécurité. Mais pour les postes techniques, moi je dis que ces accords n'ont pas assez de place parce que le développement d'un pays ne dépend pas d'une appartenance ethnique. Il faut une personne qu'il faut à la place qu'il faut pour avoir un développement durable. Voilà, un point de vue. Est-ce qu'il y aurait des enjeux? Quels seraient les enjeux spécifiques pour les uns et les autres à mettre sur la table un débat sur la suppression ou le maintien de ces quotas ethniques dans les institutions? Moi, je dirais que, en fait, comme le représentant du parti prenant le disait, et Léon se l'a dit aussi, je dis qu'à un certain moment, il fallait mettre en place donc, quelque chose à la dans le sens d'évaluer qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Parce que je constate qu'à un certain moment, les quotas ethniques a été, je dirais, un objet de gestion de pouvoir. Mais dans certains secteurs, ces quotas ethniques risquent de biaiser le développement. Je me dis qu'à table, il faut dire, finalement, en évaluant qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, dans les quotas ethniques, on pourrait dire, dans la gestion, justement, politique, donc actuellement, Léon se le disait, les uns se sentaient exclus. Aujourd'hui, les autres, voilà, il y a M. Claude qui disait que Olivier, je m'excuse, mais Monsieur Olivier qui disait tout à l'heure que les Tutsis risquent de se sentir lésés, et je ne sais pas, en se sentant lésés, qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est quelque chose vraiment qu'il faut mettre sur table, comme vous le disiez, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire à la dans le sens d'apaiser les âmes des uns des autres, sans pour autant briser les accords, je dis bien, les accords d'Arusha qui ont abouti quand même à quelque chose qui a amené la paix et la réconciliation entre les Burundais, mais voir quelle est la place nécessaire pour ces quotas ethniques et quelle est la place qui n'est pas nécessaire. Là, je dirais la technique. Vous êtes pour que si l'on maintient ces quotas au niveau des corps de défense et de sécurité, oui, mais pas ailleurs. Oui, pour apaiser justement les esprits des uns des autres, maintenir ces quotas ethniques là-bas, justement pour que les Hutus se sentent représentés et les Tutsis aussi se sentent représentés, là, c'est bon. Mais pour les postes techniques, là je vais dire, les postes techniques, allant dans le sens du développement du pays, il faut vraiment chercher à ce que la personne qu'il faut soit mise à la place qu'il faut pour justement aller de l'avant dans le développement. Je vais poser peut-être une même question aux deux autres intervenants ici, honorable Léon Ngendakoumana et honorable Olivier Ngurunziza du Parti UPRONA. Léon Ngendakoumana du Frodebout, quand on parlait d'enjeux, quels seraient les enjeux qui poussent les uns et les autres à essayer de mettre sur la table un tel débat sur le maintien ou pas des quotas ethniques dans les institutions. Les enjeux, ce sont des illusions. D'ailleurs, discuter de cette question de quotas ethniques, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps dans la mesure où ces quotas n'ont servi à rien du tout. Ces quotas n'ont pas servi au pays. Ces quotas n'ont pas servi au tout. Ces quotas n'ont pas servi au tout. Si, ces quotas ont servi à quelques individus qui ont été insérés dans les institutions. Qui ont été insérés parce qu'ils sont au tout. Et parce qu'ils sont au tout aussi. Ou toi, il y a des fois qui sont insérés à l'Assemblée nationale et au Sénat aussi. Alors, moi je suis très gêné de continuer à mener un débat du genre. D'ailleurs, c'est pour la dernière fois que je mène ce débat sur les ethnies. Parce que je suis grandi dans cet environnement. Ça ne m'a rien donné comme avantage. Je suis là, j'ai été dans les institutions. À un certain moment, à une certaine époque, vous avez cru que vous allez gagner parce que vous êtes tout de suite. Non. À travers votre... Nous avons pensé que nous allons gagner quand nous avons créé le parti Sawanya Proteo parce que nous avions un programme politique, économique et social qui allait alléger la souffrance et les souffrances des populations. Alors, je disais que mener ce débat, c'est vraiment une perte de temps. Et on le verra, malheureusement, trop tard, quand on aura perdu du temps et des moyens. On va le voir. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais je suis parmi les promoteurs. De ces quotas. Je suis parmi les promoteurs de ces quotas, je le sais, je sais. Quand je fais des analyses aujourd'hui, je constate que ces quotas empêchent d'une manière délibérée aux Tutsis de travailler parce qu'ils savent qu'ils ont, s'ils ne travaillent pas, ils savent qu'ils ont, ils ont 40%. Ils ont 50%, quelque part. Hein, ça crée de la paresse. Donc, continuer à mener ce débat pour les Burundais. Ça crée de la paresse dans les Tutsis. J'ai les Tutsis. Pourquoi? J'ai les Tutsis les fois. Moi, je ne comprends pas. C'est la deuxième fois que tu le dis. Je te demande, quand un Tutsi est dans un parti politique, il ne travaille pas que de la même manière qu'un Hutu. Bon. Alors, pourquoi est-ce que, pour donner du travail, il faut se référer à l'ethnie, s'il faut le même travail. D'ailleurs, ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il a dit que on peut garder les quotas dans les corps de défense de sécurité, ça veut dire l'armée, la police, C'est pas ça qui crée. Non, c'est mon point de vue, monsieur. C'est pas ça qui crée. C'est pas ça. Mais une exclusion au niveau politique, est-ce que ça ne peut pas créer ce sentiment de frustration? Non, je l'ai dit. Hein. Une exclusion au niveau de l'économie, est-ce que ça ne peut pas créer ce sentiment de. Je l'ai dit, en fait. Une exclusion au niveau des écoles, est-ce que ça ne peut pas créer ce. Oui, je veux bien. Ça veut dire que les quotas ne sont plus nécessaires dans aucun domaine. Il faut. Bon, en fait, bon. Pour moi, si ça c'est pour moi, il faudrait les supprimer et mettre en avant la bonne gouvernance, permettre à chaque citoyen burundais. Supprimer donc ces quotas dans la constitution, c'est ça? Mais bien sûr, si ça reste mentionné dans la constitution, ça veut dire qu'on doit respecter cela et uniquement se référer à la bonne gouvernance, aux compétences pour gérer ce pays, à condition qu'il n'y ait plus de réflexes d'exclusion. À condition qu'il n'y ait plus de réflexes ethniques. C'est sous cette condition-là qu'on peut supprimer les quotas. Mais comme il a dit qu'il a mené des enquêtes. Il a dit qu'il a mené des enquêtes. Il y aurait donc des conditionnalités à mettre dans la Constitution. Non, mais pas ça dans la Constitution. Ça veut dire que c'est cette évaluation qu'on a dit. Vérifier si les réflexes ethniques sont terminés dans le pays. Il y a Pierre Claver-Gérimane qui voulait s'exprimer. Vérifier que les réflexes d'exclusion ne sont plus dans le pays. Non. À ce moment, il faut supprimer ces histoires-là. Oui, donc, en fait, je voulais m'exprimer en disant que, d'abord, en faisant dans l'histoire, on constate que, en fait, les accords d'Arusha, c'est le fruit, en fait, des négociations entre les Burundais, Hutus et Tutsis. Les Hutus, à l'époque, se sentaient vraiment exclus dans la gestion du pouvoir. Et les Tutsis, ils étaient au pouvoir et se sentaient qui géraient. À un certain moment, les Hutus ont décidé de prendre les armes. En prenant les armes, les Tutsis ont cru que, finalement, ces gens risquent de s'accaparer de tout et, finalement, on risque de fuir le pays. Et le président Buyoya à l'époque, c'est bien lui qui était d'ailleurs l'initiateur de ces accords. Ah, il n'est pas l'initiateur de ces accords. Il n'en voulait même pas. Oui, donc il a été contraint. Absolument. Il a été contraint, justement. Absolument. D'accord. Il a été contraint par le Frodebou. Le Frodebou, y compris. Non, il a été. La communauté internationale aussi. Moi, je vous dis. Surtout la région qui a pris l'embargo. Oui. Moi, je disais qu'en fait, en mettant en place un système de quotas ethniques, c'était juste pour apaiser les esprits et les âmes des gens qui étaient vraiment en disparition. C'était ponctuel. Oui. C'est pourquoi on a prévu dans la Constitution qu'un jour, on procédera à l'évaluation pour voir si c'est nécessaire ou pas de remettre nos. Voilà, c'est ce que je disais. Alors, après 23 ans, pour moi, il fallait s'asseoir sur la table et évaluer quel a été justement le fruit de ces accords, quel a été le fruit de ces quotas ethniques et voir si c'est nécessaire de continuer ou pas. Mais moi, en ce qui me concerne, je dis que si par exemple, les Hutus se sentent exclus dans les forces de défense et de sécurité, et les Tutsis actuellement, j'ai entendu M. Olivier qui disait que finalement, on a fait une enquête, on constate que finalement, ce qui a été dit n'est pas mis en application. Pour moi, c'est quelque part un malaise qui commence à être créé dans les têtes des gens. Alors, c'est pour cette raison qu'un projet, normalement, doit être évalué. Et en évaluant le projet, on va dire le projet a réussi ou il n'a pas réussi. Mais en ce qui me concerne, je le répète, dans les forces de défense et de sécurité, les quotas ethniques, vraiment, ça ne cause aucun problème parce que les Hutus se sentent bien et les Tutsis se sentent bien parce que ce n'est pas la seule personne qui gère, je dirais, la sécurité du pays. En un mot, Léon vient de dire qu'un tel débat, c'est une perte de temps. C'est inutile. Oui. Moi, je me dis que ce n'est pas du tout une perte de temps. Il faut plutôt que les gens. Si c'est prévu par la Constitution. Oui, c'est la Constitution. Mais quelque chose qui est prévu par la Constitution, en fait, étant donné qu'on n'a pas encore changé la Constitution, c'est le moment d'évaluer et voir est-ce que vraiment ça, c'est nécessaire. Mais je me suis exprimé là-dessus en disant, dans les postes techniques, pour vraiment aboutir justement à la politique du développement durable, comme l'ostifie le président de la République, il faut que les postes techniques soient occupés par les hommes capables et non pas les ethnies. Captez Issanamilo, écoutez la différence. Olivier Nkurunziza, un tel débat, une perte de temps, selon Léonce Ngendakumana du Frodebou, les enjeux de ce débat, quand on amène ce débat sur la table, les enjeux, ce sont lesquels? Il y en a. Moi, je viens de le dire ici, et d'ailleurs, je le répète encore une fois pour toutes, parce que il ne faut pas que négociateur d'accord d'Arusha comme honorable Léonce essaye de dire que dire cela aujourd'hui, c'est perte de temps. Mais il est temps d'évaluer. Bon, d'accord. Il est temps d'évaluer. Pour mettre fin à ces quotas. Et quand le Sénat nous a appelés pour l'évaluer, c'est le Sénat qui nous a poussé cette fois-ci de nous ouvrir le cœur et les yeux pour effectivement voir, analyser la situation actuelle au Burundi. Alors, je suis totalement d'accord avec Honorable Léonce pour dire que ces quotas n'ont pas d'importance. C'est de l'idéal. Quand il n'y a pas de réflexe ethnique, et quand on essaie d'évaluer aujourd'hui, au Burundi, il n'y a pas de réflexe ethnique, il y en a encore. Moi, je me suis demandé, quand on a évalué, quand j'ai été dans la province, j'ai pris les chantiers dans les provinces Karusi, province Chibitokem, Makamba, il y en a beaucoup, j'ai essayé d'évaluer pour dire, supposons qu'au Burundi, les réflexes ethniques ne sont plus là, pour voir qu'effectivement c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire, regardons par exemple dans les écoles primaires et secondaires de la province de Chibitoke, qui sont au nombre de 60. Et j'ai trouvé que tous les directeurs des écoles, de l'école primaire sont des Hutus. Parce qu'il n'y a pas de Tutsi. Attendez. Tutsi dans toutes les provinces. C'est possible. J'ai essayé de voir les responsables des centres de santé, les directeurs des hôpitaux. Je me suis demandé, supposons que par exemple, on a fait l'examen, testé, pour voir la compétence. Et je me suis demandé, est-ce que dans cette province, ce sont les Hutus qui sont vraiment très compétents plus que les Hutus. Si l'examen a eu lieu, plus que les Tutsis. Dans les écoles primaires, dans tous les... J'ai vu qu'effectivement, ce n'était... Et d'ailleurs, je ne me suis pas arrêté seulement pour dimension ethnique, mais aussi dimension politique, pour voir la provenance politique de tous ces gens qui sont engagés. J'ai constaté qu'au niveau du Burundi aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'exclusion politico-ethnique. Alors ça, c'est très dangereux pour le pays. Un homme politique bien avisé, qui suit ici au Burundi, nous devons alors essayer de voir qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se fait ici au Burundi. Dans l'avenir, qu'est-ce qui va se faire? C'est la raison pour laquelle l'évaluation des quotas ethniques prévue par la Constitution nous a donné... Parce que c'était très difficile pour le parti prenant d'aller dans les communes et faire les évaluations d'ethnie. On allait nous dire, qu'est-ce que vous êtes en train? Vous êtes en train encore d'amener ce genre d'exclusion ethnique là. Mais comme c'était prévu par là, on était allumé le fait. Mais comme c'était prévu pour quand même se présenter devant le Sénat avec des éléments bien vérifiés, mais aussi contribuer pour qu'effectivement, au Burundi, le responsable du pays soit bien avisé. On devrait le faire. Alors, aujourd'hui, alors, pour dire à l'honorable Léonce, les réflexes ethniques sont là, malheureusement. Parce que les gens sont exclus par des réflexes ethniques et politiques. Alors, ce n'est pas alors le temps de continuer et de dire qu'aujourd'hui, il est temps de supprimer les quotas. On risque d'empirer la situation. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, je rappelle que l'émission Mosaïque d'aujourd'hui portait sur le maintien ou pas des quotas ethniques dans les institutions publiques. Et au regard de l'article 289 de la Constitution de 2018, qui appelle le Sénat à évaluer cette nécessité en vue de proroger ou mettre fin à ces quotas. Quel avantage à supprimer ces quotas? Je vais m'adresser à vous, Pierre Claver-Ngezimana. Quel avantage à supprimer ces quotas et quelles pertes s'ils étaient maintenus dans la Constitution burundaise aujourd'hui? Et je vais faire le tour de table. Merci, Monsieur Léonce. Bon, pour moi, j'en suis exprimé là-dessus. Bon, je suis parti d'ailleurs de l'histoire de ce pays, une histoire qui était jonchée de situations dramatiques. Pour moi, avantage de supprimer ces quotas ethniques, surtout dans le technique, c'est de permettre justement à ces personnes compétentes, qui ont des compétences pour pouvoir exercer et faire aboutir au pays à un développement durable. Donc ça, vous défendez l'option de supprimer ces quotas quant aux postes, pour les postes techniques. Pour les postes techniques, franchement, il faut les supprimer parce que ça n'a aucun avantage. Mais pour les postes des corps de défense et de sécurité, comme il dit, bon, il vient de le dire tout à l'heure, il y a ce volet ethnique qui persiste dans les âmes des gens. Il faut qu'ils se sentent sécurisés. Il faut que les Tutsis se sentent sécurisés quelque part. Il faut aussi que les Hutus se sentent sécurisés et garder peut-être ces quotas dans les forces de défense et de sécurité pour apaiser les esprits des gens et des uns des autres. Mais pour les postes techniques, ces quotas ethniques n'ont aucune valeur. Je me dis que c'est vraiment, il faudrait voir comment, d'ailleurs, le mentionner dans la Constitution, que finalement, les quotas ethniques. Bon, je peux te dans donner postes, l'information. Oui. Dans les postes techniques, ce n'est pas prévu ce genre de dimension. Ah oui. Pas du tout. Ah d'accord. Non. Moi, ça, je ne savais pas. Non. Je ne savais pas. Non, non. Pas de quotas. Pas de quotas ethniques. Oui. C'est simplement, je ne savais pas. Non. Ça, je ne savais pas. Il n'y a pas. C'est dans les postes politiques. Et alors ça, dire que dans les postes techniques, pour engager un enseignant, on regarde qu'il est au doute, pas du tout. Pour voir que c'est pas du tout. Mais justement, à entendre ce que vous nous disiez à propos de Makamba, de Karouzi et autres, et tu es ok, j'ai senti que quand même, quelque part, en Tutsi est lésé. Bien sûr. Oui. Donc, parce que pour dire qu'on va nommer un responsable, oui, dans la nomination d'un responsable, oui, ça tient dans la dimension un peu politique, pour dire qui va être responsable, mais aussi c'est technique. Au lieu de voir qu'effectivement, de voir que tous les Burundais, oui, sont capables de le faire, oui, de devenir titulaire du centre de santé, oui, de devenir directeur de l'école primaire, oui, devenir directeur de BPAE ou DPE. Oui. Est-ce que cela, ça tient de dire qu'au Burundi, quand on essaie d'analyser, si on a fait des examens ou de l'examen. Oui. Mais justement, c'est l'examen qui a été fait. Mais ça dit tout. C'est là où on voulait en venir en fait. Voilà. Donc si on veut vraiment faire une évaluation qui soit un peu objective, oui, il faut voir quelles sont les modalités pratiques pour nommer un directeur d'une école ou pour nommer un directeur, un responsable d'un centre de santé. Oui. On tient compte de quoi? Ça, c'est la politique. Mais au niveau politique aussi, je vous dis que les compétences devraient être mises en avant, juste pour aboutir à un développement durable. Donc, la compétence technique devrait primer vraiment, par rapport vraiment, à l'ethnie. Vraiment, vraiment. Oui, oui. Léon Sengenda-Koumana, avantage à supprimer, perte si ces quotas étaient maintenus dans la Constitution. D'abord, il faut voir ce qu'on entend par cette évaluation. Il faut évaluer. Mais c'est difficile qu'il y ait encore des réflexes d'exclusion, des réflexes ethniques. C'est ça qu'il faut évaluer plutôt que d'évaluer les chiffres. Des Hutus, des Tutsis, ça s'équivale quand ils ne travaillent, quand ils ne font rien. Je connais ceux qui sont dans ces postes-là qui ne foutent rien dans ces postes. Je les connais. Ils ne se rémunéraient pas à l'État. Malheureusement. Parce que c'est écrit dans la Constitution de mettre une personne à Hutu ou à Tutsi là-bas. Je les connais. Il est là parce qu'il est Hutu. Tout simplement. Ça suffit qu'ils produisent et qu'ils ne produisent pas. Donc, il faut être Hutu. Il faut être Tutsi, il faut être là. Et la production. Exactement. Oui. La production, après, c'est secondaire. Le résultat, c'est secondaire. Alors, vous parlez d'avantage. Oui. L'avantage, c'est que, en ne distant pas beaucoup sur ces quotas ethniques, ça va permettre aux gens de débattre sur les questions fondamentales du pays, des citoyens. Moi, quand je regarde aujourd'hui comment les travailleurs de l'État, les agriculteurs, les éleveurs, les instituteurs, les infirmiers, les policiers, les soldats, les juges, les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui, et que le Sénat ne se préoccupe pas de ça, et qu'il se préoccupe de ces histoires de quotas, ça me fait de la peine. Ça devrait le faire davantage à un député. Hein? Si on lui faisait là, un choix... Vous allez encore une fois parler de perte de temps. Si on faisait un choix, si on demandait aux députés de faire un choix, entre le débat sur les questions fondamentales qui pèse sur le citoyen aujourd'hui, et les quotas ethniques, certainement, qui pencheraient sur des questions conditions, qui améliorent les conditions de vie des citoyens. Ah. Ça, c'est sûr. Sinon, est-ce que vous pensez que les quotas améliorent les conditions de vie des citoyens? Ah. Jamais. Jamais. Alors, ça, c'est un avantage très, très important de laisser ce temps au débat sur les autres questions de fond. Hein? Comment se développer, comment lutter contre la pauvreté, la misère, le chômage, comment augmenter la production. Voilà le débat qu'il faut au Sénat. Hein? Comment combattre les injustices sous toutes leurs formes. Même ces injustices ethniques. Mais il y en a en fait. Ils sont en train de répondre à l'obligation prescrite par la Constitution. Cet article, ne pouvait rien faire. L'article 280. Oui, oui, devrait le faire. Je sais que ça a été écrit. Oui, oui. Mais, celui qui a mis cela dans la Constitution, c'est celui qui a provoqué ce débat. Non. Nous l'avons mis. C'est moi qui ai fait adopter l'accord. Vous allez accuser le législateur. C'est moi qui ai fait adopter l'accord d'Arusha. Ça s'est trouvé dedans. J'ai même fait adopter une constitution qui consacre ça. Hein? Qui consacre. Malheureusement, c'est vous. Alors, 23 ans après, c'est bon de faire l'évaluation, je trouve qu'on a perdu du temps. Il faut alors maintenant proposer l'autre alternative. Ça veut dire améliorer la bonne gouvernance, permettre à chaque citoyen burundais de s'épanouir, d'être libre, de vaquer à toutes les activités sans discrimination, au lieu de continuer à parler de quotas ethniques chaque fois. Ça nous servira franchement à mener un véritable débat pour le développement et la réconciliation. Et nous allons cohabiter pacifiquement dans le développement, mais pas dans les ethnies. Est-ce que vous avez encore un mot à placer, Olivier Nkurunziza du parti UPRONA? Les avantages, il y en a, parce que ça calme les esprits, parce que celui qui a négocié les accords, il est ici, il a vu les avantages et les inconvénients. Mais pour une génération future, il faut d'abord que la stabilité des Burundi. On ne peut pas nier que les ethnies au Burundi existent encore. Ces réflexes sont là. Ce qu'il est en train de parler, c'est l'idéal. C'est l'idéal qu'on a besoin de compétences, qu'on a besoin de justice sociale. C'est ça ce qui va aider les Burundais. Pour qu'au Burundi, il n'y ait plus de réflexes ethniques, mais malheureusement, ces réflexes sont encore là. Au moment où Sévère est encore de travailler pour donner la vérité, réconciliation, basée sur tous ces réflexes ethniques, est-ce qu'il est temps de supprimer ces quotas? C'est la raison pour laquelle ce que nous conseillons au niveau du parti UPRONA, nous savons qu'effectivement, que la vie du pays doit se baser sur le développement, doit se baser sur la justice sociale, doit se baser sur les compétences et la méritocratie. Ce sont les bases. Mais au moment où on n'a pas encore arrivé à ce stade, au moment où on n'a pas encore enraciné dans la démocratie, effectivement, pour qu'effectivement les gens travaillent dans de telles conditions, alors il faut qu'il y ait des balises et des garde-fous pour qu'on ne retombe plus dans ce que nous avons connu dans le passé. Alors, pourquoi alors ouvrir la porte aux démons? Pourquoi ouvrir la porte aux plus extrémistes Hutu et Tutsi pour qu'ils en profitent afin qu'on revienne à... Alors, il faut faire des garde-fous. Comme on le dit, je ne vois pas le problème des quotas aujourd'hui. Quand on dit les quotas, les ministres sont au nombre de 15 aujourd'hui. S'il y a les 4 et tout, c'est les quoi? Qu'est-ce qu'ils vont... Ça vaut quoi quand on les supprime? Quand dans l'Assemblée nationale, on n'a que 100 ou à 120. Dans la population où il y a 12 millions, 15 millions. Alors qu'il y a d'autres postes, plus de 200 000. Où on peut faire? Alors c'est la raison pour laquelle celui qui vient ou qui veut supprimer ces quotas, qui voit comble en danger au Burundi, c'est-à-dire qu'il a manqué à faire. Il faut développer le pays, il faut lutter contre le chômage. Tous ces quotas vont se supprimer dans l'avenir. Ça va se supprimer. Pour l'intérêt de tous, M. Olivier Nkurunziza, qu'est-ce que vous proposeriez ou recommanderiez au Sénat burundais quant à la suppression ou pas de ces quotas ethniques dans les institutions? D'abord, faut-il mettre fin ou proroger? On ne peut pas prolonger les choses qu'on n'a pas encore mis en application. On ne trouve que dans l'évaluation, il y a même des manquements. Alors, il faut d'abord qu'on respecte les quotas qui se trouvent dans la Constitution avant de les supprimer. Sinon, supprimer, c'est confirmer ce qu'on a déjà fait. Alors, aujourd'hui, ce qu'on demande, il faut que les quotas ethniques soient respectés dans tous les domaines, afin que les Burundis continuent à se ressaisir, continuent à travailler effectivement pour que ces réflexes ethniques soient abolis dans les années à prochaines, je ne sais pas quand. Mais aujourd'hui, dire que en 2023, il est temps de supprimer, au lieu de corriger les vides et les problèmes que nous voyons, ça sera une façon de se cacher derrière l'article afin de confirmer ce qui est sur le terrain aujourd'hui. Pierre Claver, Njejimana, psychologue, expert en matière de santé mentale, ce que vous proposeriez ou recommanderiez au Sénat quant à la suppression ou pas de ces quotas ethniques dans les institutions? Bon, en fait, ce que je conseille au Sénat burundais, quant à la suppression ou, je ne sais pas, de ces quotas ethniques ou au maintien, moi je dis que il faut faire une évaluation, je l'ai dit, et voir sur les 23 ans, qu'est-ce qu'on a gagné dans le développement, qu'est-ce qu'on a perdu dans le développement, et voir si effectivement ces quotas ethniques restent d'actualité. Et moi je me dis que, et d'ailleurs je me suis déjà exprimé là-dessus, je me dis que au niveau politique, ça a été le fruit en fait du d'un long processus. Les gens qui s'entretuaient, à un certain moment, ils se sont dit, finalement, il faut mettre en place des balises pour dire plus jamais ça, pour dire plus jamais ça. Mais actuellement, après avoir évalué au niveau politique, on va dire qu'est-ce que nous avons gagné sur les 23 ans, arrêtant avec ces quotas ethniques, qu'est-ce qu'on a perdu, et finalement prendre une décision. Alors, en ce qui me concerne, moi je dirais que les quotas ethniques n'ont pas vraiment assez d'importance de rester, surtout en ce qui concerne la matière au niveau du cerveau. Parce que moi je vous dis que un développement durable doit se baser sur les compétences et non pas l'appartenance ethnique. Et celui qui a des compétences, qu'il soit Tutsi ou qu'il soit Hutu, qu'il soit promis. Voilà mon point de vue. Merci. Et votre point de vue, honorable Léonce Ngendakoumana du Parti Savanya Fodebou, des recommandations à l'intention du Sénat burundais quant à la suppression ou maintien de ces quotas. On a parlé des assurances. S'il y a encore des individus, des groupes d'individus qui sont rassurés par ces quotas, il faut garder ça. Mais ce n'est pas pour l'intérêt du pays. C'est pour l'intérêt de ces individus. Il faut différencier l'intérêt général, l'intérêt national et l'intérêt de quelques citoyens. Par exemple, au niveau du gouvernement, ça fait 4 aujourd'hui. 4 personnes. Si on garde ça, c'est pour ces 4 personnes. 4 tous. Ou 6 ou tout. 4 tous et 6 ou tout. C'est comme ça que ça s'occupe. Alors, moi, là, vous parlez des membres du gouvernement. Moi, les membres du gouvernement. Lorsqu'il a parlé, de ces enquêtes qu'il a menées, c'est bon d'avoir mené des enquêtes. Hein? Il a tiré la conclusion qu'il est tombé sur l'exclusion politique et l'exclusion ethnique. Alors, si on doit garder les quotas, il faudra aussi y introduire les quotas politiques. Oui. Parce que c'est une forme d'exclusion. C'est une forme d'exclusion. Il faudra aussi inclure. Politico-ethnique. Mais ce n'est pas mon souhait. C'est par rapport à tes enquêtes. C'est pas mon souhait, parce qu'on ne pourra pas faire déterminer les quotas pour les partis politiques qui sont au Burundi. On en aura à peu près 1000 partis politiques. Et ça ne marcherait pas. Donc, pour moi, le Sénat doit s'occuper fondamentalement de l'évaluation, de l'impact de ces quotas sur ces divisions entre les Hutus et les Tutsis. Est-ce que ces quotas ont permis au pouvoir politique de réconcilier le Burundi? Est-ce que le gouvernement en a profité pour réconcilier le Burundi? Parce que l'objectif ultime dans tout cela, c'est la réconciliation, c'est la cohabitation pacifique. Est-ce que, à cause de ces quotas, la population burundaise a été réconciliée? Il faut vérifier ça. Deux, il faut vérifier effectivement si il est temps de garder ces quotas ou de les prolonger. Pour moi, c'est très clair. Il est temps de les supprimer parce que ces quotas n'ont servi ni au pays, ni au Hutu, ni au Tutsi, ni au Twa. Même s'il parle d'assurance, pour autant qu'il n'y a pas de l'établissement de la vérité, avec objectivité, avec impartialité et neutralité, si ce qui s'est passé dans son pays, il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de réconciliation. Pour autant... Restez pessimiste. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Il y a des raisons de rester pessimiste. Pour autant que la démocratie et la bonne gouvernance ne sont pas effectives dans ce pays, ne cherchez pas à ce que les quotas nous aident à réussir la démocratie et la bonne gouvernance. Pour autant qu'il y a encore une armée, une police, un service national de renseignement qui sont instrumentalisés, qui sont manipulés, qui sont au service d'une ethnie ou d'un parti politique, il ne faut pas penser à l'ethnie qui va vous servir à quoi que ce soit. Pour autant que la pauvreté que nous voyons à gauche, à droite, la pauvreté, la misère, le chômage, pour autant qu'il y a la manipulation, la manipulation des élections. Et à quoi est-ce que vous vous attendez par rapport à ce travail, à ce programme du Sénat? À rien. À rien. À rien. Honorable Léonce Nguendakoumana, merci d'être venu. Vous êtes du parti Sarwanya Fodebo. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci aussi. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie les collègues avec qui nous étions autour de ce plateau. Mais je persiste et je signe, le débat sur les quotas ethniques doit être retiré des débats que nous menons dans son pays. Olivier Nkurunziza, vous êtes président du parti UPRONA. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir contribué. Ma position reste toujours la même. C'est de garder les quotas ethniques parce que le Sénat est en train d'accomplir son devoir malheureusement prescrit dans la Constitution par Léos et ajouter les quotas politiques parce que ces politiciens qui sont exclus, ce sont des Burundais aussi. Et merci, tout est aussi également. Et merci à vous, Pierre Claver Njejimana, psychologue, expert en matière de santé mentale. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Bon, merci beaucoup, M. Léos. Merci aussi à mes collègues avec qui nous sommes ensemble ici au niveau du plateau. Et ma position, elle est claire. Il faut une personne qu'il faut à la place qu'il faut pour un développement durable. Merci. Moi, je suis expert en santé mentale. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque. Et pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Je dis également merci à Vesti Nebutoi pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitaliho. Restez branchés, notre programme continue sur Isanganiro. Mosaïque.